demain qu'est inaugurée l'exposition « La science à la poursuite du crime » d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui aux Archives nationales. L'occasion était bien trop belle pour que nous ne nous interrogions sur la transformation progressive du policier et du gendarme en scientifique ou l'inverse. Comment la science a-t-elle révolutionné la façon de conduire une enquête au cours du XXe siècle? Jusqu'où peut-elle aller pour confondre un suspect? Et quelle est la limite entre ce que la science peut nous dire d'un crime et son intrusivité dans le champ des libertés privées? Une frontière qui n'est pas si élémentaire, mon cher. La science à la poursuite du crime, c'est le programme d'investigation qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette exposition et la progression de la part des sciences dans les enquêtes de police et de gendarmerie, nous avons le plaisir de recevoir les deux co-commissaires de l'exposition. Pierre Piazza, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise et Richard Marlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire, ancien chef du service parisien de l'identité judiciaire et chargé de cours de police scientifique à l'Institut de criminologie de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Mais avant de plonger dans les arcanes des cold cases et de l'analyse d'empreintes, le tour de l'actualité scientifique du jour, c'est comme chaque jour dans le Journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et dans le journal des sciences du jour, une étude parue dans la revue Nature Energy, de nouvelles cellules solaires organiques optimisées qui convertissent la lumière artificielle en électricité. Cette innovation technologique est menée par des chercheurs suédois et chinois. Les cellules solaires organiques sont minces, flexibles, légères, bon marché, mais elles sont plutôt connues pour leur manque d'efficacité. Ici, des nouveaux panneaux photovoltaïques ont été créés. Deux prototypes, un de 1 cm² et l'autre de 4 cm². Ils ont été exposés à une source lumineuse artificielle, comme on en trouve chez soi. C'est ce qu'on appelle les cellules indoor. Les panneaux ont converti 26,1% de l'énergie lumineuse en électricité. Alors c'est une puissance de production encore très faible, mais ces nouvelles cellules solaires organiques peuvent être encore optimisées, dit l'étude. Guillaume Wantz est chercheur CNRS au laboratoire IMS, de l'intégration du matériau au système. Il trouve ces travaux très prometteurs. Comment est-ce qu'on fabrique une meilleure cellule que celle qui existe aujourd'hui? Eh bien, on change les matériaux qui la composent. Il faut savoir qu'une cellule solaire organique, c'est un sandwich, c'est comme un hamburger où on a des électrodes de chaque côté, donc les tranches de pain. Vous avez un steak au milieu, c'est le semi-conducteur ou la couche active. Et vous avez aussi des couches interfaciales. Et en travaillant sur l'architecture des composants, le choix des matériaux pour chacune de ces couches, et en travaillant sur la chimie de ces matériaux, en particulier la couche active, en inventant de nouvelles molécules pi-conjuguées semi-conductrices, on arrive à améliorer les performances. Alors c'est un peu ce que fait ce groupe chinois. Il nous amène ici des molécules qui sont, pour une des deux en tout cas, qui est nouvelle, et qui arrive à fabriquer une cellule solaire. Cette cellule solaire qu'il publie aujourd'hui là dans Nature Energy fonctionne très bien lorsqu'elle est utilisée en indoor. Et quand on veut utiliser un dispositif indoor, eh bien ça, on change les choses, hein, parce que la lumière indoor n'est pas la même. La répartition spectrale de cette lumière indoor, elle est différente de celle du soleil. Et nos matériaux, ils doivent être photosensibles, ils doivent être capables d'absorber les photons. Et c'est pas la même molécule qui va absorber un rayonnement qui soit fluorescent ou LED. Ce que je trouvais très intéressant, c'est tout l'aspect modélisation où il nous montre que demain, on va pouvoir encore être meilleur et on va pouvoir atteindre des rendements d'efficacité qui frôlent les 50% à 1000 lux. Et ça, c'est quand même assez prometteur. Ça veut dire qu'en gros, la moitié de la lumière de votre bureau pourra être transformée en électricité par un dispositif qui sera collé sur votre téléphone ou sur votre habillage, sur les murs, sur les tables, etc. Voilà, et comme d'habitude, hein, le lien vers l'étude de Nature Energy, ainsi que le lien vers toutes les études qui seront mentionnées, ainsi que plein d'autres sources de renseignements au cours de cette émission, c'est à retrouver en vous abonnant à notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Santé publique France a annoncé hier que le nombre de nouveaux cas de diabète ralentit pour la première fois en France. On est passé de 11 personnes pour 1000 en 2010 à 9,7 personnes pour 1000 en 2017. Depuis longtemps, le nombre de diagnostics au diabète de type 2 ne cessait d'augmenter en France. 5% de la population est diabétique. Santé publique France n'explique pas les raisons de cette courbe descendante, d'autant plus que d'autres études parallèles montrent une augmentation du surpoids très impliquée dans l'épidémie du diabète. L'organisme encourage à maintenir les efforts de prévention et de dépistage pour confirmer et amplifier cette tendance. Contrairement aux idées reçues aux États-Unis, les gens sont plutôt favorables à une taxe carbone à condition qu'elle soit bien utilisée. C'est ce que révèle une enquête parue dans la revue Science Advance, une étude menée par l'Institut fédéral de technologie de Zurich sur 3000 Américains. Elle montre que les projets de taxe carbone manquent de quelques détails clés pour les rendre réalisables. Taxer les entreprises qui exploitent les énergies fossiles, avec le risque pour les consommateurs d'une hausse des prix, c'est une idée qui est majoritairement perçue, sous deux conditions. Soit les revenus de cette taxe sont réinvestis dans l'énergie renouvelable, soit ces revenus sont redistribués à la population. Et enfin, dans la revue Nature hier, les bébés qui sont nés par césarienne n'ont pas le même microbiote que ceux qui sont nés par voie naturelle. Des chercheurs anglais ont analysé 1679 échantillons de microbiote intestinal de plus de 500 bébés à différents moments de leur développement, jusqu'alors un an. On observe que les bébés nés par voie basse héritent des bactéries vaginales et fécales de leur mère, des bactéries clés pour leur développement, tandis que les bébés nés par césarienne héritent, eux, des bactéries de l'hôpital. Mais alors attention, ces différences disparaissent rapidement lorsqu'ils ont entre 6 et 9 mois. On ne peut donc pas dire s'il y a des conséquences à long terme sur la santé. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve majoritairement demain c'est pas très sympa ça, pour le journal des sciences du vendredi avec, comme eh bien depuis le début de cette année, une partie consacrée au journal de la SF, puisque demain sera, bien comme un vendredi sur deux dans la méthode scientifique, un vendredi consacré à la science-fiction. Revenons à nos moutons, je pourrais dire revenons à nos poulets, mais ce serait pas très sympathique pour nos invités. Oh, merci. Puisque c'est aujourd'hui qu'est inaugurée l'exposition La science à la poursuite du crime d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. C'est une exposition aux Archives nationales sur le site de Pierre Fitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. C'est demain d'ailleurs qu'elle sera inaugurée et pas aujourd'hui. Une exposition qui retrace l'histoire de la science au service de la résolution des crimes depuis les prémices jusqu'à l'hyper-technologie d'aujourd'hui. De Sherlock Holmes aux experts, pourrait-on dire, en quelque sorte. Cette histoire est bien évidemment très liée au développement des progrès techniques au cours du XXe siècle, comme par exemple cette façon d'analyser un impact de balle. Nous sommes en 1955. Voici un orifice de projectile sur un vêtement. Il peut être intéressant non seulement de savoir s'il s'agit bien d'un orifice de projectile, mais quelle est la nature de la balle qui a perforé l'étoffe. Comment retrouver autour de l'orifice les traces du métal que la balle a laissé en passant? Deux méthodes le permettent, la spectrographie et la microanalyse. Laquelle choisira-t-on? Trois critères vont nous guider, la précision, la sensibilité, la sécurité de la méthode. L'idéal serait une méthode quantitative qui permettrait non seulement de déceler le métal sur la perforation, mais de le doser. Cela est rarement possible et il faut souvent se contenter de méthodes qualitatives. Entre la méthode chimique et la méthode physique, c'est la spectrographie qui sera choisie parce qu'elle est plus précise, plus sensible, plus sûre. Voilà, archive issue de l'heure de la culture française sur la radiodiffusion française en juillet 1955. On a déjà un certain nombre d'outils assez avancés au moins au milieu du XXe siècle, sûr. Richard Marlet. Bien sûr. Avant, en fait, je voudrais rectifier une toute petite chose. Je ne suis pas le co-commissaire de l'exposition « La science à la poursuite du crime ». Par contre, je suis le co-auteur du livre qui porte exactement le même titre. Qui s'appelle « La science à la poursuite du crime », qui a exactement le même titre et qui était édité aux éditions de La Martinière. Voilà. Non, en fait, 1955, évidemment, on est déjà assez loin des prémices, on est assez loin de Bertillon. Et évidemment, depuis 1955, la science ça fait encore beaucoup de progrès. Donc on a entendu parler de spectrométrie. Donc évidemment, la spectrométrie a fait des progrès, la chromatographie a fait des progrès. Ce qui me semble, donc on pourrait continuer en fait, ce qui est intéressant dans un orifice, c'est aussi la distance de tir, la trajectoire de tir. Mais le problème, à mon sens, c'est que évidemment les matériels donnent des résultats de plus en plus fins. et ça ne doit jamais occulter la question de la pertinence de la trace. C'est-à-dire que l'intérêt, évidemment, c'est de mettre en relation le fameux principe de l'échange de Locard. Alors, vous nous rappelez ce que c'est que ce principe voilà, de l'échange? À peu près de mémoire, c'est à l'occasion de son action criminelle, un malfaiteur laisse des traces de son passage et à l'inverse, il emporte des éléments de la scène de crime sur lui. Et mettre en évidence un certain nombre de traces et les analyser, c'est mettre en évidence des relations entre l'auteur, la victime, l'arme et la victime, l'arme et l'auteur, la scène de crime et l'auteur, la scène de crime et la victime, etc., etc., etc. Donc vraiment tout l'intérêt, c'est, enfin la question préalable, c'est quelle est la pertinence de la trace que je vais relever. Ce principe de l'échange qui est formalisé par Edmond Locard, on va y en reparler dans un instant, au tout début du XXe siècle, peut-être revenir, non pas au point de départ encore de la police scientifique, mais du point de départ de cette exposition, Pierre Piazza. Comment vous l'avez montée? Pourquoi avez-vous souhaité la monter? Et ce livre aussi qui lui fait pendant? Alors, je vais à mon tour apporter une petite précision, c'est que l'exposition ne s'intitule pas comme le livre. L'exposition s'intitule, mais c'est pas bien grave, La science à la poursuite du crime, Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers. Donc en fait, l'exposition qui se déroule sur le site des Archives nationales à Pierrefitte ne concerne que le début de la police technique et scientifique. Grosso modo, ce sont à peu près 250 objets, documents qui sont exposés et qui portent sur ce que l'on appelle le bertillonnage, pour montrer comment Alphonse Bertillon, qui sera à partir de 1893 le premier chef du service de l'identité judiciaire, eh bien, va œuvrer pour mettre en place des techniques policières rationnelles d'identification, hein, et puis d'identification des individus, des personnes, et puis progressivement des méthodes aussi rationnelles pour gérer la scène de crime. Grosso modo la scène de crime et aussi les différentes scènes d'infraction, de vol, etc. D'effraction. Donc cette exposition, elle est là pour montrer un peu la genèse de la police technique et scientifique, et l'ouvrage qui porte cette fois-ci le titre La poursuite, la science à la poursuite du crime d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui fait justement le lien entre ce passé, les tout débuts, et ce que l'on connaît ensuite, et ça c'est plus la partie dans laquelle Richard est compétent, le développement de la police technique et scientifique ces dernières années avec les différentes avancées technologiques qui permettent des choses, en effet, comme vient de dire Richard, des choses de plus en plus subtiles en matière d'analyse de traces. Mais pourquoi avoir éprouvé le besoin aujourd'hui en 2019 de revenir justement à cette histoire de la police scientifique et de voir finalement toute cette trajectoire et de la façon dont aujourd'hui elle est devenue totalement indissociable du principe et de l'exercice d'une enquête? Alors, moi, c'est plus par rapport à la matière dans laquelle je suis un peu compétent, la science politique, c'est-à-dire c'est plus de la socio-histoire, c'est-à-dire s'intéresser aux enjeux du passé pour éclairer les enjeux du présent. Et à travers Bertillon, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux dont on voit qu'ils naissent à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui sont toujours extrêmement prégnants. Par exemple, l'analyse des traces, de plus en plus infime, la question de l'identification des individus à travers la gestion des fichiers de police, des enjeux aussi assez intéressant en matière de contrôle social. Est-ce que la police se sert éventuellement à certaines périodes des données qu'elle collecte pour surveiller certaines populations? Voilà, ce sont autant d'enjeux qui sont toujours d'actualité, notamment avec l'essor de la biométrie actuellement. Et donc, on y reviendra, mais effectivement, l'exposition aborde assez frontalement, ou interroge en tout cas, l'invasion finalement, ou en tout cas le passage, la bascule de cette police scientifique, de la collecte de traces, de la biométrie, jusque à savoir où sont les frontières de la liberté individuelle. L'exposition, on peut la prendre de différentes façons. C'est tout d'abord la question de l'émergence d'une nouvelle forme de police, c'est-à-dire d'une police qui pendant longtemps met l'accent sur certains modes de preuve qui sont pas toujours très efficaces, comme l'aveu, le témoignage, etc. Et puis progressivement, notamment grâce à Alphonse Bertillon, mais pas seulement, Edmond Locard et d'autres, on bascule vers une police qu'on peut appeler technique et scientifique, avec un nouveau mode de preuve qui est le mode de preuve indicial. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut l'apprendre sous un autre angle, c'est la construction de l'État à travers la colonisation du monde vécu des individus, c'est-à-dire une police, mais plus généralement un État, qui va collecter de plus en plus de données sur les personnes et qui va les agencer pour pouvoir contrôler des populations. Vous voyez, on peut l'apprendre sous différents angles. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de la science à la poursuite du crime, l'exposition et le livre. Les titres sont un peu différents, mais c'est à peu près la même idée qui est derrière. Nous en parlons avec Pierre Piazza et Richard Mallet. Bah, du coup, on va raconter cette histoire, parce que c'est vrai que c'est une histoire assez passionnante. On a entendu déjà plusieurs fois le nom d'Alphonse Bertillon. On va y arriver, mais avant Bertillon, on dit que c'est le premier policier scientifique, en quelque sorte, de l'histoire de la France. Mais avant Bertillon, petit à petit, la science progresse, et tout de suite, bien, ces progrès scientifiques commencent à être mis, appliqués et utilisés dans le cadre d'enquête criminelle, Richard Mallet. Oui, en fait, si vous voulez, moi j'ai comme diplôme, j'ai une maîtrise d'archéologie étrusque. Donc j'ai fait un certain nombre d'années de latin, un certain nombre d'années de grec. Et en fait, quand vous lisez les coéphores d'Eschyle, vous avez une première utilisation des traces de pas. Où en fait, Électre va découvrir des traces de pas dans le sable, et elle va identifier à peu près hein, les traces de pas de son frère, et elle va dire, elle va même beaucoup plus loin, elle dit, il est accompagné d'un autre individu, et ils sont allés jusqu'au tombeau de notre père, et ils sont revenus, etc., etc., etc. Donc, on peut aller très très loin. Là, je me souviens, pour le concours de commissaire de police, on m'avait posé une question. On dit qu'Édipe Roy est une grande tragédie policière. Racontez-nous l'histoire, dites-nous ce que vous en pensez. Donc, il se trouve, et c'est probablement pour ça que je suis commissaire de police, qu'il y avait des passages d'Édipe Roy que je connaissais en grec. Mais Édipe Roy, c'est vraiment probablement une des toutes premières enquêtes. Alors, il n'y a pas de police scientifique, mais je voudrais dire tout de suite que les investigations de police judiciaire, c'est pas la police scientifique ou les investigations traditionnelles. L'investigation judiciaire, c'est les deux. En fait, c'est une preuve qu'on tirerait d'un élément scientifique, si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments, n'a aucun intérêt. Et ça, on va y venir, c'est le cas effectivement aujourd'hui, mais avant qu'on arrive à cet équilibre, il y a bien la mise en application, Pierre Piazza, effectivement, d'un certain nombre d'éléments, de découvertes scientifiques. On peut penser aux premières datations d'un cadavre par entomologie, on peut penser à la volonté, à un moment donné, en tout cas, de se substituer bien au fait de marquer les prisonniers ou les criminels récidivistes au fer rouge. On arrête cette pratique barbare sous Louis-Philippe, mais alors du coup, comment faire pour bien repérer, identifier ces prisonniers ou ces criminels récidivistes. Ah, oui, c'est ce que montre un peu l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments, y compris chez Bertillon. Le tout premier moment, c'est un moment très important, c'est véritablement, et ça on peut pas l'enlever à Bertillon, le premier qui invente un système policier d'identification fiable des délinquants et des criminels. Quel est-il, c'est-à-dire, ce système ? Grosso modo fiable, parce que il permet. Alors, il repose sur l'anthropométrie judiciaire, sur la mesure du corps. Hein, Bertillon s'aperçoit que on a tous des mensurations différentes, à peu près une douzaine de mensurations, la taille du pied, l'envergure des bras, la largeur du crâne, etc. Et donc, ça permet de distinguer les individus. Alors, certains diront que c'était pas efficace sur les adolescents délinquants qui grandissent encore. Mais grosso modo, ça fonctionne plutôt bien. Et puis ensuite, Bertillon va affiner son système en y ajoutant ce qu'on connaît tous, la photographie face profil, c'est-à-dire véritablement, et l'exposition le montre et le livre aussi, la photographie devient un outil policier. Hein, la photographie devient judiciaire, avec Bertillon qui la codifie et qui met en place les éléments à la fois photographiques, ateliers photographiques, objectifs photo, etc., pour produire des clichés normalisés et standardisés. Et puis, c'est un nouveau regard policier aussi qui se dessine avec Bertillon sur les corps, à travers la description mathématique du visage. Hein, avant Bertillon, le signalement, c'est bouche ronde, nez de travers, etc., c'est pas très fiable. Bertillon va décomposer chaque organe du visage humain, en particulier les oreilles, mais pas seulement, le menton, la couleur des yeux, etc., pour tout simplement arriver à une description mathématique du visage. Et puis, enfin, et ça complète son dispositif, vous voyez, c'est un dispositif très complet, le relevé et la description méthodique des stigmates corporels, allant des cicatrices, en passant par les tatouages, les marques de furoncles, etc. Et donc ça, ce sont des éléments supplémentaires. Donc ce dispositif-là va permettre d'identifier les délinquants, et surtout ceux qu'on veut identifier sont les délinquants récidivistes, parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est lorsque Bertillon commence à mettre en place son système, la loi sur la relégation du 27 mai 1885 qui vise à reléguer les récidivistes en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Qui était finalement cet Alphonse Bertillon, Richard Marlet? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Il était assez jeune quand il a commencé à mettre en place ce signalement anthropométrique qui va compléter tout au long de cette vie. Oui, il est relativement jeune. J'aurais un peu tendance à dire, mais c'est un petit coup de griffe à l'image de Bertillon. Bertillon, c'est un peu le cancre de la famille. Son père est un célèbre statisticien, son grand-père également, son frère est médecin. Bertillon, lui, commence des études de médecine. Enfin, il poursuit des études, mais il les rattrape jamais. Et en fait, c'est un peu par piston, que surtout Pierre ne prenne pas ça pour de la provocation. C'est un petit peu par piston, en fait, qu'il rentre à la préfecture de police. Et comme l'a dit fort bien Pierre, en fait, il est commis aux écritures et son petit boulot, en fait, c'est de recopier des signalements. Et il est frappé par tous ces gens qui sont de taille moyenne, de corpulence normale, avec les cheveux foncés. Et là, il y a une idée lumineuse. L'idée lumineuse, c'est de substituer à l'identité dont on peut changer comme de chemise, là je cite Bertillon, il substitue à cette identité autre chose. Cette autre chose sont les mensurations osseuses. Bon, moi je suis plutôt, là encore, un peu critique, c'est-à-dire que, Pierre l'a dit, évidemment ça ne fonctionne pas avec les mineurs, ça ne fonctionne pas non plus avec les femmes, parce que les premières mensurations, je crois que ce sont la largeur et la longueur de la tête. En fait, il suffit qu'elles changent ce qu'elles ont, que moi je n'ai plus, c'est-à-dire les cheveux, la coiffure, en fait, pour qu'on se trompe de quelques millimètres et on ne retrouve pas l'affiche. Et puis, en fait, la deuxième difficulté, c'est que il peut arriver que deux individus aient exactement les mêmes mensurations. Ça a été le cas aux États-Unis, je crois qu'on parle du cas à Ouest, et il a fallu la position de la photographie, et puis quelque chose qui est nettement supérieur en termes d'individualisation sur les empreintes digitales. Alors c'est intéressant parce que les empreintes digitales, pour le coup, c'est une publication britannique. Je crois que d'ailleurs c'est une publication déjà dans Nature à l'époque, il me semble, en 1880, absolument. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Et les empreintes digitales vont être un peu la méthode concurrente du bertillonnage, de cette méthode que vous venez de décrire. Et puis petit à petit, Bertillon va bien finir par accepter que cette méthode qui identifie ou individualise les personnes, les délinquants, doit intégrer finalement sa méthode ou son... Ici, je pense qu'il faut rectifier deux, trois choses. D'abord, la première chose, c'est que Bertillon n'a jamais inventé les empreintes digitales, comme on l'entend souvent. Mais aussi, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que Bertillon n'était pas contre les empreintes digitales. Il s'aperçoit très vite de la force identificatrice des empreintes digitales. Donc lui, ce qu'il refuse, c'est la classification de ses fiches, parce que bien sûr, toutes les données qu'il a collectées, les données anthropométriques, photographiques, etc. sur le signalement, il les inscrit sur une fiche qu'on appelle la fiche parisienne, qui est un nouvel instrument mobilisé par la police pour constituer des fichiers de plus en plus vastes. Et donc, il refuse de classer ses fiches par la dactyloscopie, par les empreintes digitales. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà, quand la dactyloscopie se développe, il a déjà classé des centaines de milliers de fiches. Donc, il veut pas repartir sur un classement différent. Donc lui, il classe par l'anthropométrie et la phonétique. Donc il ne veut pas classer de manière dactyloscopique, et on le comprend parce que c'est aussi tout son système qui s'effondre. Par contre, et l'exposition le montre, tout comme l'ouvrage publié à La Martinière, c'est que on a véritablement un Alphonse Bertillon qui va investir les empreintes digitales sur la scène de crime. Alors déjà, il va les apposer progressivement sur ses fiches à partir de 1894, et puis il relève tout un tas de traces digitales sur les scènes de crime qu'il va comparer avec des empreintes de suspects. Donc ça, il le fait. Alors on dit que souvent c'est Locard qui a développé le premier laboratoire de police scientifique, mais Bertillon le fait bien avant Locard. On a des rapports là qui sont tirés des archives de la préfecture de police qui montrent qu'il sort sur les scènes de crime pour comparer traces et empreintes digitales. Et il y a l'affaire Schaeffer dans laquelle il est premier à identifier un suspect, en tout cas un criminel, à partir de l'exploitation de ces traces digitales. Dites-nous un mot de cette affaire. Alors l'affaire Schaeffer, c'est très simple, on découvre un cadavre et puis là où le cadavre est découvert à Paris, on découvre aussi des traces digitales sur des vitres, sur une armoire en vitre. Bertillon va comparer ces traces avec les empreintes de Schaeffer qui a déjà été fichées dans une autre affaire, et puis il va s'apercevoir qu'il y a une concordance entre traces digitales et empreintes digitales. Alors après il y a un petit mystère mystère, c'est comment il a fait ce rapprochement puisqu'il ne classe pas ses fiches par la dactyloscopie. Alors Bertillon dira qu'il a fait ses fiches une à une et comparé les empreintes de ses fiches avec les traces, mais je pense que c'est plus que ce que disait tout à l'heure Richard, c'est-à-dire qu'il y avait une enquête traditionnelle de police qui a certainement suspecté Schaeffer. Il est allé voir s'il n'y a pas une fiche au nom de Schaeffer et comparer les deux. Ouais. Si on veut être un tout petit peu plus complet, en fait, Bertillon va s'intéresser à un morceau de vitre qui est au sol, et ce morceau de vitre, en fait, supporte quatre traces. Il y a une trace donc sur un côté et trois traces sur l'autre côté de la vitre, en fait. Et Bertillon va poser une hypothèse en disant, voilà, le malfaiteur, et ça dit des choses aussi sur l'interprétation de la trace, le malfaiteur a brisé la vitre, et puis après, pour enlever les morceaux, il s'est servi de sa main comme d'une pince. Et donc, on a une trace qui est à l'extérieur, et puis trois traces qui sont à l'intérieur. Et il pose l'hypothèse qu'en fait, il s'agit d'une main droite. Donc, il aurait un pouce, un index, un majeur et un médius. Et comme l'a dit Pierre, comme il a déjà mis des empreintes digitales, notamment de la main droite, en fait, il peut comparer, puisque là, il a, en plus, les traces sont magnifiques, hein, il peut comparer pas beaucoup de fiches, parce qu'il y a assez peu de fiches qui comportent ces empreintes de la main droite, et il identifie Schaeffer. Et là, il a de la chance, parce que si Schaeffer avait été gaucher, eh ben, c'était raté. C'était une autre histoire. D'ailleurs, pour préciser effectivement, hein, les empreintes digitales, c'est Henry Folds qui publie en octobre 1880 ce papier sur les empreintes digitales dans le magazine Nature et qui suggère effectivement de l'utiliser sur les scènes de crime et dans l'identification judiciaire. Un mot aussi, puisque le hasard parfois fait bien les choses. Nous sommes aujourd'hui le 19 septembre et ce sont exactement les 120 ans de la grâce de Dreyfus, figurez-vous. Or, Bertillon est aussi connu pour son rôle un peu obscur dans l'affaire Dreyfus, Pierre Piazza. C'est ce que l'on montre dans l'ouvrage et dans l'exposition, c'est-à-dire que Bertillon, une fois qu'il a mis en place un système qui, à partir d'indices, permet d'identifier les personnes, avec plus ou moins de fiabilité, mais quand même son système fonctionne assez bien, il va, je pense, avoir l'idée, alors là on est fin 19e, début 20e, il va avoir l'idée d'utiliser les indices à d'autres fins. C'est-à-dire des indices dans les écritures, pour agrandir les écritures et voir si finalement la personne n'a pas falsifié sa propre écriture. Il va aussi avoir l'idée d'interpréter les indices sur la scène de crime, on l'a dit, des traces digitales, des traces de pieds, des traces d'outils, etc. Alors, dans l'affaire Dreyfus, pourquoi est-ce qu'on fait appel à lui? Parce qu'il commence à systématiser à la préfecture de police le classement d'affaires de faux en écriture. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la graphologie, lui parle d'analyse graphique. Et donc il va faire venir à la préfecture de police de tous les tribunaux français et bien toutes les affaires portant sur des faux en écriture. Et puis il essaye de systématiser un savoir en la matière. Je pense qu'il a aussi l'idée de développer un champ d'expertise qui n'a pas encore été exploité. Et donc on va faire appel à lui dans l'affaire Dreyfus pour analyser le fameux bordereau. C'est ce qu'on met des pièces dans l'exposition là. Et puis il va se tromper totalement. Il est persuadé que Dreyfus a auto-forgé son écriture, a modifié son écriture en mélangeant son écriture avec celle de son frère Mathieu, et donc il va déposer devant les tribunaux qui vont le croire parce que c'est un expert à l'époque très très reconnu comme pasteur, et il va aller jusqu'au bout de son erreur. Il ne va jamais revenir sur sa parole. Je pense que là il y a une question d'ego en fait. Et puis il va être pris dans la tourmente politique parce qu'on va l'accuser d'être fou, d'être antisémite, etc. Donc Richard Marlet. Oui, beaucoup de choses. La première chose, ça pose évidemment la question de qu'est-ce que c'est qu'un expert. Et Pierre l'a dit, en fait, Bertillon à cette époque-là est aussi célèbre que Pasteur. Tous les journaux parlent du docteur Bertillon. Est docteur de rien du tout. Il est docteur de rien du tout. Enfin, Edmond Leucart, lui, est docteur en médecine et licencié en droit, mais Bertillon pas du tout. Et puis, je crois que Pierre l'a dit aussi. Alors, en fait, on peut peut-être pousser un tout petit peu le curseur et dire que Bertillon, a priori, est persuadé que Dreyfus est l'auteur du bordereau. Et en fait, ça change tout. Je veux dire, c'est pas ce qu'on demande à un expert. Bien sûr. On demande à un expert, voilà, est-ce que c'est possible que ce soit Alfred Dreyfus ou bien est-ce que c'est n'importe quel autre scripteur? Il semble bien que cet aspect, ça peut être n'importe quel autre scripteur, ait échappé complètement à Alphonse Bertillon. Alors après, bon, on peut, on, on, Locard a écrit des choses terribles sur l'affaire Dreyfus et cette expertise folle d'Alphonse Bertillon. Et puis, bah, malheureusement, l'histoire va donner tort à Locard. Lors d'une expertise après les libérations, en fait, où une dame avait été condamnée, je crois, à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir dénoncé un maquis, sur l'expertise d'Edmond Locard, qui avait conclu à sa culpabilité, cette femme, en fait, va bénéficier d'une grâce. Elle sort de prison, elle demande à Edmond Locard, elle dit « Écoutez, ça ne peut pas être vous, vous ne pouvez pas vous être trompé, conseillez-moi quelqu'un. » Et donc, Locard va lui, peut-être à la différence d'Alphonse Bertillon, Locard va lui conseiller plusieurs experts en écriture manuscrite qui vont tous conclure à l'erreur d'Edmond Locard. Voilà, il y aurait un procès en révision, ce qui est assez rare. Hein. Voilà. La différence avec Alphonse Bertillon, c'est jusque sur son lit de mort, en fait, Alphonse a refusé de reconnaître qu'il ait pu s'être trompé. Oui, puis on voit ici, à travers cette affaire, le côté un peu obsessionnel de Bertillon, parce que quand on va un peu dans les réserves des archives nationales, on voit des rayonnages entiers de documents d'expertise, de plaques de verre d'expertise, etc. Donc il veut à tout prix montrer la culpabilité de Dreyfus, et surtout il ne veut pas se déjuger, alors que d'emblée, il commet une erreur très très grave, c'est d'avoir en effet un a priori sur la personnalité de Dreyfus. Et ce qui pose évidemment la question de la place de la preuve scientifique dans un procès exactement. Dans une enquête, et on va y revenir parce que c'est évidemment un débat absolument passionnant. Peut-être un mot pour conclure cette première partie assez rapidement sur cet Edmond Locard dont on dit qu'il est le créateur du premier laboratoire de police scientifique en France, alors manifestement un peu à tort, mais qui a en tout cas écrit un traité criminalistique qui est aujourd'hui encore une référence dans le domaine, Pierre Piazza. Alors Edmond Locard, là actuellement il y a quelqu'un qui s'appelle Amos Frappa qui fait une très belle thèse sur Edmond Locard, qui pourrait vous en dire beaucoup plus, il faudra l'inviter ici. Mais Edmond Locard, en fait, il a un problème de positionnement avec Bertillon. Il est redevable à Bertillon, hein, et d'ailleurs de son vivant il encense souvent Bertillon, et puis à la mort de Bertillon il est très critique vis-à-vis de Bertillon, et à la fin de la vie de Bertillon il va tout faire pour se démarquer de Bertillon, justement en exploitant davantage les empreintes digitales que ne le fait Alphonse Bertillon. Donc là, et puis on a la rivalité Paris-Lyon, on a la rivalité entre deux fortes personnalités aussi. Il est indéniable que dans certains domaines c'est Bertillon qui a été pionnier, et Locard va lui surtout creuser l'analyse des traces digitales. Hein, voilà, c'est ce qu'il va faire surtout à Lyon au tout début, puis après développer tout un tas d'autres expertises. Mais en gros, il s'engouffre là-dedans, c'est-à-dire il voit que Bertillon peut-être n'a pas assez mis en avant l'exploitation des traces digitales pour les comparer avec des empreintes, et c'est ce qu'il va essayer de faire à Lyon. Oui, puis si on veut clore tout à fait, en fait, sur un malfaiteur, ne laisse jamais sur une scène de crime ses mensurations osseuses. Par contre, ses traces digitales, oui. I was standing on the corner, I just wanna look in round. Not any police come up and rush me, not any turn me down. Not he take me to the station, and he left me there alone. Took me to the station, and he left me there alone. I got a thing about my poor women, Lord, and my wife at home. Police Station Blues de Big Bill Brunzi à 16h35 sur France Culture, et j'ai profité de cette pause musicale pour me rendre compte qu'effectivement Amos Frappa, le doctorant que vous évoquiez, est passé chez nous à la recherche Montre en Main en 2017. Voilà, on vient de vous mettre le lien vers la présentation de ses travaux, effectivement, Edmond Locard et la police scientifique. On l'a mis sur le fil Twitter de l'émission. Hâte la méthode FC, puisque donc il est question eh bien, de police scientifique et de son histoire. Nous en parlons avec Pierre Piazza, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, et Richard Marlet, qui est commissaire divisionnaire honoraire et ancien chef du service parisien de l'identité judiciaire. Je crois que c'est vous le 13e Bertillon, c'est ça? Oui, c'est ça, je crois. 13e ou 12e, il y a souvent des confusions avec les adjoints, les chefs, mais j'ai été chef de l'identité judiciaire de Paris. À l'occasion de l'exposition La science à la poursuite du crime, c'est aux Archives nationales, sur le site de Pierre Fitte sur Seine et de la sortie du livre La science à la poursuite du crime. Vous voyez, quand on enlève le sous-titre, oui, voilà, ça marche. Il faut laisser le titre. Aux éditions de La Martinière. On va accélérer forcément un peu dans le temps pour arriver au présent, et peut-être un mot justement de transition pour dire que, effectivement, bon, comme on l'a dit au début de cette émission, les progrès scientifiques vont petit à petit bien rejaillir, ou en tout cas être utilisés par les polices scientifiques tout au long du XXe siècle. Mais en France, il y a tout de même une sorte de traversée du désert de presque un demi-siècle. Il va falloir attendre le début des années 80 et certainement, enfin, en tout cas de façon concomitante avec le fiasco de l'affaire Grégory, pour que d'un seul coup la police scientifique se structure à nouveau. Bah, il va falloir attendre Richard Marlet qui va arriver et qui va restructurer, parce qu'il ne le dit pas. Oui, bien sûr, ça c'est de la modestie, mais merci Pierre. En fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Pierre. En fait, moi, il se trouve que je suis sorti de l'école des commissaires de police en 1984. Et ma première scène de crime, c'est l'un des meurtres de celui qu'on appellera plus tard le tueur des vieilles dames. C'est Thierry Paulin. Mmh. Et Thierry Paulin, sur toutes les scènes de crime, ne prenait aucune précaution, laissait beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces digitales. Sauf qu'en France, il n'y a pas de fichier informatique. Alors, avec des si, évidemment, on peut tout faire. S'il y avait eu un fichier des empreintes digitales, alors qu'il y en avait ailleurs, on sauvait au moins 20 vieilles dames. Voilà. Donc, en fait, il y a évidemment Grégory, où Grégory, c'est des scènes de crime massacrées, c'est une autopsie ratée, et ça va provoquer pour la gendarmerie la création de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Pour la police nationale, c'est plutôt l'échec de Thierry Paulin, mais sur d'autres affaires aussi. Je me souviens comme ça d'une cache de la fraction Armée Rouge. L'identité judiciaire de Paris, à l'époque, passe tout l'appartement à la poudre, ne trouve aucune trace digitale. Et les collègues allemands du BKA, eux, en trouvent plusieurs dizaines et identifie 14 personnes. Voilà. Donc le ministre de l'Intérieur qui fait ce constat après un rapport terrible de Jacques Gential, c'est Pierre Joxe. Et Pierre Joxe va lancer un plan de modernisation sur 5 ans, plan de modernisation dont la police bénéficie encore. Et j'enjoins nos auditeurs d'écouter une très belle série documentaire consacrée justement à l'affaire Grégory de Denis Robert et Yvon Croisier, qui ont réutilisé un certain nombre d'archives et qui re-racontent, ça s'appelle l'affaire Grégory, le roman de la Vologne en 4 parties. C'était vraiment une série absolument passionnante, et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Ce qui nous amène, alors on va avoir le temps de parler de ces progrès depuis votre époque, Richard Marlet, et depuis le début des années 80, mais en tout cas au travail de la police scientifique aujourd'hui. Il a été par ailleurs largement médiatisé et popularisé par un certain nombre de séries télévisées très populaires. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous qui ne ratez pas un seul épisode de NCIS. Oui, moi je suis plutôt Maigret. Vous êtes plutôt Derrick. À l'ancienne. Vous êtes rendu à Écully, dans la banlieue lyonnaise, pour suivre une enquête, non pas à la trace, mais à la micro-trace. Oui, et c'est Sandrine Lopère qui est responsable de division au sein du laboratoire de police scientifique de Lyon, qui m'a expliqué comment on analyse les micro-traces sur des objets ou des lieux qui ont été le théâtre d'infractions ou de crimes. De l'observation avec des loupes binoculaires en passant par la chimie ou le recours au microscope à balayage électronique, les méthodes scientifiques pour apporter des éléments d'indice à une enquête sont très nombreuses. Sandrine Lopère nous fait donc rentrer dans le laboratoire des experts et nous propose de nous pencher sur une affaire en particulier. Alors là, on est dans notre salle de prélèvement. C'est l'arrivée du scellé. Donc le scellé, évidemment, c'est l'objet clos, scellé d'un point de vue judiciaire. Et ce scellé-là va contenir un objet, un élément, une trace, quelque chose qu'on va nous demander d'exploiter, nous, en tant que spécialistes, en tant que policiers scientifiques. Alors, ça peut être différentes choses, c'est-à-dire que ça peut être un objet. Là, par exemple, sur la table, j'ai une analyse que nous venons de terminer. Nous avons un dossier que nous avons terminé. Les scellés contenaient des objets coupants, un couteau, un sécateur. J'ai aussi un ciseau. La question posée, c'était de trouver une microtrace sur ces éléments. Ce n'était pas d'analyser le couteau en lui-même. Mais ce qu'on a, nous a demandé concrètement, c'est de chercher une trace particulière sur ces trois objets coupants. C'est une salle aussi qui se prête à l'observation macroscopique et microscopique. On a des outils comme loupe binoculaire à bras articulés qui va nous permettre rapidement d'aller voir un grandissement, un grossissement important, ce qu'il y a sur l'objet que l'on a analysé, qui est présent dans ce fameux scellé. Alors, par exemple, là, on a, donc, vous l'avez dit, un sécateur, des ciseaux, un couteau. Le couteau est visiblement rouillé ou sale. Comment on étudie un tel objet? Qu'est-ce qu'on va aller observer comme micro-trace? Alors, tout dépendra de la question du requérant. Le requérant, ça va être l'enquêteur, l'officier de tutelle judiciaire, si on est en phase d'enquête. Mais le requérant, ça peut être aussi un juge d'instruction, si on est en phase de justice et en phase donc d'instruction, forcément. Il va nous poser une question. Donc c'est vrai, on reçoit un couteau comme ça, de but en blanc, on ne détermine pas réellement ce que l'on va chercher dessus. On a une question qui nous est posée et on doit y répondre le plus précisément possible. Et donc là, dans ce cas typique de ce dossier-là, il s'agit d'un dossier ancien, qui a plusieurs années. Il s'agit d'une victime qui est a priori morte par strangulation. Elle a été retrouvée au sol avec un lien autour de son cou. Et ce lien, rapidement, l'enquêteur, les officiers de police judiciaire ont voulu savoir si ce lien s'était rompu du fait du poids de la victime lors de la pendaison. Donc derrière, on veut savoir si c'est un suicide ou pas. La question posée, elle est un peu là, quelque part. Et si ou si ce lien ne s'est pas rompu, mais a été coupé. Et derrière, on peut éventuellement évoluer vers plutôt un homicide. Donc la question est importante. Donc les premières analyses que nous avons eu à effectuer, c'était donc sur ce fameux lien qui était autour du cou de la victime. Et on a déterminé, par observation microscopique, macroscopique, qu'il y avait bien eu usage d'un objet coupant. Donc la suite de l'enquête, qui s'est allée sur maintenant 3 ou 4 années, ça a été d'aller rechercher éventuellement l'objet qui aurait coupé ce lien. Et ça, c'est la question qu'on nous a posée ces jours-ci. C'est pour ça que nous avons travaillé sur ces trois éléments, un ciseau, un couteau, un sécateur, parce que le juge d'instruction veut savoir s'ils ont pu être à l'origine de la découpe de ce lien-là. Donc on a cherché des traces de fibres et de microfibres présentes sur ces objets qui pourraient éventuellement provenir de ce lien. À côté de chacun de ces objets, il y a des lames, comme des lames utilisées pour le microscope, une petite boîte également. Qu'est-ce que vous avez relevé sur ces lamelles et qu'est-ce que vous avez observé? Dans le domaine d'analyse des fibres, le mode de prélèvement le plus qui est très utilisé, c'est ce qu'on appelle le taping, c'est l'utilisation d'un adhésif spécifique pour le prélèvement de microfibres, et on va prélever la totalité de la surface. La surface de question, là, c'est clairement les lames, la lame du couteau, les lames de la paire de ciseaux et du sécateur, pour voir si on va retrouver ces micro-traces, ces toutes petites fibres. L'idée, c'est que ce prélèvement va être exhaustif, on va enlever toute trace présente sur ces lames-là, de déposer sur une lame de verre de microscope, comme vous le disiez, et après aller les observer et voire même les analyser ultérieurement. Si on cible une fibre d'intérêt qui nous paraît vraiment correspondre d'un point de vue morphologique à ce qu'on recherche par rapport aux fibres qui constituent le lien de tissu, là, on va aller vers l'analyse chimique derrière. On a la nécessité de travailler avec l'ouverture scientifique nécessaire, de tout chercher, de tout regarder et de ne pas avoir de direction qui nous soit imposée. Nous, notre réel travail, j'ai envie de dire, c'est d'être objectif et scientifique sur un objet sur lequel on va se pencher et essayer de répondre à une question. En toute objectivité, avec une recherche de totale impartialité forcément. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille sous un système complètement qualité, système qualité, avec une traçabilité, des enregistrements, avec des essais qui sont validés, accrédités par un organisme indépendant. Et c'est vrai que ça fait une force aussi qui est donnée au laboratoire de police publique, cette capacité de travailler avec comme seul objectif de répondre à une question précise en fonction des résultats scientifiques obtenus, point, sans autres éléments. Donc on ne se passe quasiment plus de la PTS en France, de la police scientifique en France, parce qu'il y a toujours nécessité d'aller vérifier les éléments d'enquête qui sont collectés par les enquêteurs, de venir les confronter à la réalité scientifique. Ce qui est très intéressant dans ce que vous me dites, c'est qu'on sent que vous n'apportez pas de preuves finalement. C'est juste un soutien à une enquête, mais vous, votre position est quand même assez distanciée vis-à-vis de ce travail d'enquête-là. Oui, oui, oui. Clairement, pour qu'un système, un processus fonctionne bien, il faut que chacun ait sa juste place, sa bonne place. On est un support, on est un support scientifique apporté à l'enquêteur, à l'OPJ, l'officier de police judiciaire au juge d'instruction, mais notre place, elle est là. Elle est importante, hein, ceci dit. Elle est importante, mais elle ne fait pas une enquête. Voilà, et parce qu'on a vu plein d'autres éléments intéressants au cours de cette visite, je vous propose en exclusivité sur le site de la méthode scientifique un format long de ce reportage dans lequel Sandrine Lopère nous détaille les éléments d'une autre enquête. Et évidemment, on vous poste ça tout de suite et le lien vers cette version uncut, director's cut de votre reportage, Antoine, sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. C'est peut-être une réaction simplement libre à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre. Ce qu'on vient d'entendre, c'est déjà ce que fait Alphonse Bertillon à la fin du 19e siècle. Hein. Il est saisi par des juges d'instruction. On a entendu parler de cordelettes, d'armes, etc. Alors, il le fait avec les moyens de l'époque, bien évidemment. Mais il développe aussi tout un tas de techniques pour garder des traces, hein, comme la photographie. Et donc, ce type d'expertise est déjà présente à la fin du 19e siècle. Bien sûr, elles vont se perfectionner, hein, avec les nouvelles technologies. Mais c'est ce qu'on essaye de montrer dans l'ouvrage, c'est que la logique, elle est déjà posée par Bertillon. Bien sûr, elle va évoluer par la suite du fait des avancées des technologies et de la science, mais Bertillon pose les bases de tout cela. Mmh. Richard Marlet ? Oui, beaucoup de choses. Mais je retiendrai aussi l'obligation de respecter un certain nombre de normes. Je pense que j'ai entendu la norme ISO 170-25 en fait sur les méthodes qui sont validées, les appareils qui sont étalonnés, et je pense qu'on va aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire mettre sous norme aussi les techniques utilisées depuis la scène de crime. C'est-à-dire, toutes les précautions, enfin tout ce qu'on a appris, tout ce que Grégory et puis d'autres affaires nous ont appris, c'est-à-dire que les personnes qui interviennent doivent être protégées, donc on les voit, ces personnes en blanc avec les masques, les gants, les surbottes, etc. Dès lors qu'on parle de micro-traces, eh bien évidemment on pense pollution, contamination. Alors c'est vraiment la génétique qui a mis le doigt dessus. Et évidemment, les risques de pollution, de contamination avec la génétique sont énormes. Mais c'est vrai aussi pour les résidus de tir. Vous avez au moment de je parle de guerre entre l'Angleterre et puis l'Irlande, vous avez un fait divers terrible en fait qui s'appelle Bloody Sunday, en fait où les soldats britanniques ouvrent le feu sur une manifestation, et la théorie de la couronne, c'est de dire les soldats étaient en état de légitime défense, ils ont répliqué à des tirs, et la preuve c'est qu'en fait les victimes irlandaises portent des résidus de tir. Il a fallu plusieurs années, je crois plus d'une dizaine d'années en fait, pour qu'on arrive à démontrer que en fait les soldats britanniques, en manipulant les corps des personnes décédées et des blessés, ont transféré des résidus de tir, puisqu'en fait ils avaient tiré. Donc les micro-traces, bien évidemment, mais voilà, derrière, risque, et puis après, si vous voulez, pertinence. Ce qui est passionnant, en fait, dans tout ça, et ça revient un peu sur ce qu'on évoquait dans la première partie de cette émission, c'est finalement ce que la police scientifique, la place de la preuve que la police scientifique va implémenter ou accorder, en tout cas, à l'intérieur d'une enquête. C'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment donné, aujourd'hui, ou aujourd'hui encore, peut-être, et ça, je le laisse à votre appréciation, une sorte d'hubris de la police scientifique en disant, maintenant que nous sommes là, finalement, par rapport à l'enquête traditionnelle, notre technique, la technologie prévaut sur la façon de mener une enquête, sans les preuves et sans justement cet apport scientifique. Oui, avec les limites que souligne Richard, mais de toute façon, la question, elle se pose dès Bertillon, et Bertillon joue une carte en la matière. Lui, ce qu'il veut, c'est une police propre, c'est-à-dire une police qui est opposée à celle qu'avait mise en place Vidocq, c'est-à-dire où pour obtenir la vérité, on frappe les gens, on les force à passer aux aveux, etc., on les surveille. Bertillon, lui, veut mettre en place des policiers de laboratoire, tout simplement. Hein, donc il y a une métaphore ici, la science représente le bien et le criminel le mal, et c'est la science qui va permettre de vaincre le criminel. C'est une forme de définition de l'hubris, hein, ce que vous dites. Oui, mais alors, en fait, ce qui se joue aussi à travers ça, c'est il faut que ça marche. Et plus ça marche, plus on donne des moyens à Bertillon. Et plus on lui donne de moyens, plus il développe des laboratoires, plus il développe la photographie, plus il développe l'expertise des traces, etc. Donc c'est aussi important parce qu'il y a des enjeux internes au sein de l'institution policière. C'est-à-dire que c'est une forme de police qu'on va promouvoir au détriment d'une autre. Mais cette forme de police, elle s'impose difficilement. C'est pour ça qu'on a voulu revenir un peu sur la genèse de tout cela. Hein, on n'a pas basculé d'une police à une autre comme ça. Les deux existent toujours. Et il y a certainement, alors déjà à l'époque de Bertillon, il y a des gens qui s'opposent à cette forme de police en disant qu'un bon policier, c'est le flair. Hein, c'est celui qui est très bon sur le terrain. C'est pas celui qui apprend la science et la technique. Mais finalement, si on en revient à l'exemple de Bertillon, dès Bertillon, on a cette tentation de l'expert de se substituer au juge. Oui, bien sûr. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que la police scientifique, elle va démontrer un certain nombre de faits. Une trace, c'est le vestige d'une présence ou d'une action. C'est tout. Ensuite, une trace ADN, c'est très confondant. C'est-à-dire que c'est une preuve qui pèse très lourd dans un dossier. Le risque, évidemment, c'est un petit peu ce que Lévi-Bruhl appelait déjà le risque sociologique de la preuve. C'est-à-dire, est-ce que aux États-Unis, par exemple, en ce moment, il n'y a pas de bon procès s'il n'y a pas d'ADN. Bon, ce qui veut dire qu'en fait, on occulte un certain nombre d'autres traces, hein, les traces de souliers, les traces d'oreilles, les traces digitales, etc. Et puis, voilà, l'ADN, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Pollution, contamination. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez émotif. Mon émotion se traduit par de la sudation. Je vais vous serrer la main, vous allez partir avec quelques cellules qui m'appartiennent, et puis après, vous allez serrer la main de Pierre, et en fait, il va y avoir un transfert entre plusieurs personnes. Et voilà, enfin, Pierre tue quelqu'un et que il laisse des traces d'ADN sur l'arme, ça sera la vôtre, ça sera la mienne, ça sera la sienne. Bien sûr. La question aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu des progrès de l'analyse, de la rapidité d'analyse ADN, des progrès du séquençage, jusqu'où peut-on aujourd'hui faire parler l'ADN et jusqu'où va-t-on pouvoir le faire parler? Écoutez, bon, Richard Marley. Je vais refaire mon ancien combattant, en fait. lorsque j'étais donc le 13e successeur d'Alphonse Bertillon, j'ai croisé un deuxième tueur en série, c'était Guy Georges. Guy Georges était technicien de scène de crime niveau 1. Donc en fait, il ne laissait aucune trace digitale sur les scènes de crime. Par contre, évidemment, il laissait des traces biologiques puisque l'ADN n'était pas encore à la mode. Voilà. S'il y avait un fichier d'empreintes génétiques, on sauvait au moins deux femmes. Alors, il a fallu donc l'affaire Guy Georges pour créer le fichier national automatisé des empreintes génétiques. À l'époque, je crois qu'on était à 9 marqueurs pour entrer un profil génétique dans le FNAEG. Maintenant, je crois qu'on est à le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Je crois que maintenant on en est à plus de 20. Et puis on commence à utiliser l'ADN en sortant un tout petit peu du champ d'application strict du FNAEG, donc on a parlé de l'analyse génétique de parentèle, hein, qui a permis notamment de résoudre l'affaire Élodie Kulik. Et puis les États-Unis. C'est-à-dire en étant capable, grâce à l'ADN, d'établir des liens de famille et de trouver des marqueurs chromosomiques. À partir d'une trace, on établit un profil génétique, et puis on va aller chercher dans le fichier des profils génétiques approchants, en supposant qu'en fait, si l'auteur lui-même n'est pas connu du fichier, peut-être son père, son frère, sa sœur, sa mère, etc., etc. Voilà. On peut remonter quoi, jusqu'au cousin, jusqu'au neveu. Je crois, oui, je crois. Mais après, il y a d'autres études, enfin, sur ça. Ça sort pas comme ça. Du fichier. Bon, quelque chose aussi qui, me semble-t-il, sort du champ d'application du FNAEG, c'est le recours au portrait robot génétique. C'est-à-dire que le FNAEG était extrêmement précis, disait on entre dans le fichier que des profils génétiques issus de Lockheed, de zones non codantes. Bon, pour le portrait robot génétique, il semble bien, parce qu'on parle d'origine ethno-géographique, on parle de couleur des yeux, on parle de couleur des cheveux, on peut peut-être aller encore plus loin, mais là on sort un tout petit peu et on attaque des zones codantes de l'ADN. Donc voilà, la Cour de cassation a reconnu la valeur, l'existence, dans une affaire, du recours au portrait robot génétique, mais voilà, ça va poser un certain nombre de questions. Pierre Piazza, ces questions, vous les abordez? Ces questions, elles sont abordées d'un point de vue socio-historique parce que on a deux choses, deux phénomènes qu'on peut souligner. On a d'une part, finalement, le fait qu'on collecte des traces de plus en plus petites, infinitésimales, et ce processus-là, il commence dès la fin du 19e siècle. Et puis la deuxième chose, c'est la centralisation des données. On le voit bien à travers tous ces fichiers. Alors, bien sûr, Bertillon n'a pas encore d'informatique à l'époque, mais il construit des fichiers énormes. Donc il y a à la fois des traces toutes petites et puis la massification de la collecte d'informations qui bien sûr suppose un fichage des populations de plus en plus large. Parce que Bertillon, alors on est à peu près dans la même logique avec l'ADN, on part initialement de la nécessité, de l'impératif d'identifier les délinquants, pour l'ADN les délinquants sexuels, et puis progressivement on voit que les personnes qui sont fichées sont de plus en plus larges. C'est déjà le cas avec Bertillon, qui va ficher les populations colonisées, qui va afficher les Tziganes à l'époque. Donc on a cet élargissement du champ d'application de ces techniques. Qu'on peut constater par exemple aujourd'hui avec les empreintes biométriques qui sont prises pour les pièces d'identité, qui à l'origine étaient réservées aux délinquants, aux criminels et qui sont appliquées à l'ensemble de la population. La biométrie s'est réservée initialement aux délinquants, aux criminels, et puis après on applique ça aux demandeurs d'asile, aux demandeurs de visa, et puis in fine on applique ça au passeport biométrique, donc tout un chacun est concerné. Oui, alors après, ce que je me permettrais d'ajouter, parce que j'ai quelques exemples en fait, notamment des opérations d'identification de victimes de catastrophes, par exemple le Concorde ou le tsunami que j'ai pu connaître. Les empreintes digitales sont bien pour les passeports, les cartes d'identité, sont bien dans des fichiers, mais des fichiers spécifiques qui ne sont pas des fichiers de police. La police détient, donc on en a parlé tout à l'heure, deux fichiers de criminalistique d'identification, le fichier automatisé des empreintes digitales, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui comporte des données de personnes qui sont mises en cause. Si vous voulez, on n'est pas dans un fichage soit de population, Pierre a parlé des Tziganes. Bon, on est dans le fichage, entre guillemets, oui, puisqu'on met en fiche, de personnes qui sont mises en cause. Bon, c'est certain aussi qu'il y a eu des extensions, je pense notamment au fichier des empreintes génétiques, des extensions du champ d'application. Je crois que la première écriture ne concernait que les personnes définitivement condamnées pour crimes sexuels, ce qui représentait quelques milliers d'individus. Et après, donc, moi je suis policier, je ne suis pas chercheur, et l'obsession du policier, en fait, c'est de dire, je me dois d'identifier des malfaiteurs parce que ça fait moins de victimes. Voilà. Donc, après, si vous voulez, je me réfugie derrière une phrase d'un philosophe statisticien belge que j'aime beaucoup, qui s'appelait Quetelet, qui dit, ce sont toujours les mêmes personnes qui commettent toujours les mêmes crimes. Donc, hors de moi l'idée de ficher une population. C'est en tout cas un débat passionnant. Un mot peut-être pour revenir à l'exposition, donc qui est dont le vernissage a lieu officiellement demain, l'inauguration, puisque ça devait être la semaine dernière et puis c'était un vendredi 13 et les vendredis 13 parfois les choses se passent très noir. Donc ça passe pas comme on veut. Il y avait surtout une grosse grève des transports. Je crois que samedi il y a ça se passe aux Archives nationales sur le site de Pierre Fitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Samedi il y a des reconstitutions. Alors il y a une reconstitution de scène de crime. Ce sont les Journées européennes du patrimoine. Reconstitution de scène de crime et puis en parallèle de l'exposition. Il y a plusieurs artistes qui exposent, notamment un travail sur l'ADN, sur le portrait robot, mais aussi sur la vidéo surveillance ou protection. Chacun fera son choix. Donc voilà, qui font le pendant à l'exposition, qui est une exposition à caractère historique, vous l'avez bien compris. Et l'exposition peut précisément donner des arguments ou aider à faire son choix sur la façon dont il faut appeler cette vidéo surveillance ou vidéo protection. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Richard Marlet, merci Pierre Piazza. La science à la poursuite du crime, c'est une exposition aux Archives National, donc à Pierre Fitte-sur-Seine, on vous a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission. C'est aussi un très beau et passionnant livre aux éditions de La Martinière. Et puis un beau pour vous dire aussi que les idées claires, c'est tout les mercredis, mais comme hier vous n'avez peut-être pas écouté l'émission, eh bien on sait jamais, si vous pouvez vous rattraper aujourd'hui, c'est en podcast sur l'application de Radio France ou votre appli de podcast préféré. C'est également une vidéo sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Et comme samedi, eh bien il risque d'avoir une invasion de la zone 51 aux États-Unis, on essaie de vous expliquer scientifiquement s'il y a ou non des extraterrestres sur la zone 51, ou en tout cas pourquoi on croit qu'il y en a. C'est passionnant là aussi. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Natacha Triou, Alexandra Delbeau, Olivier Bétard à la réalisation, Adèle Caglar à la technique. Et un mot pour vous dire que demain c'est un vendredi fiction, et à l'occasion de la sortie du film Ad Astra de James Gray, nous parlerons de science-fiction et de cinéma, et plus précisément des incursions des grands réalisateurs dans le domaine de la SF, Kubrick, Tarkovsky, Nolan, Gray. Que nous raconte-t-il du futur? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.